par ange, ok. Et la femme qui perd son fils, par ange toujours. Ok. Ensuite. D'accord, Nassima. Très bien. Nous prenons le mot par ange pour examiner. On a décrit une douleur. Et la douleur là, c'est le parangeage. Peut-être parti wana et vali au bas autre là-bas. Hein? Comme l'orphelinat, le fevage. Donc on était beaucoup fait le mal, beaucoup fait le mal. Bon, ensuite, c'est bien. Donc voilà, mais là, gloire à Dieu. Que mon exemple. Voyez mes chers amis. Les hommes peuvent continuer à chercher pour découvrir. Mais qu'il ait découvert ou non, Dieu sait nous comprendre. Et lui qui sait mieux nous consoler. Êtes-vous là? Ah, miséricorde. Bah ouais. Dieu de toute consolation. Jamais. Il ne peut recourir à lui. Chaque fois, tes besoins. Des femmes recouvrent leur mort. Par la résurrection. Ah si, mon acte, ma couche de la maman, elle a dit c'est quoi? C'est bon. Ma couche de la maman. D'autres furent livrés au tourment. Ma mousseuse, ma mousseuse, ma pousse à ma couche. Ils n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ayez la même conviction. Bon, ça la peine à son dimanche. Par la paix du cœur. Sachez que Dieu intervient pour nous. Il a un temps marqué pour toute chose. Persévérez et ne désespérez jamais. Nous savons la vérité. Gloire à Dieu. Alors, au temps de la Odyssée, un prophète comme Noé devait venir. Par qui la consolation de Dieu devait nous parvenir. Mais qu'il y ait ce prophète ou non au milieu de vous, sachez que le Dieu de toute consolation a dit que là où deux ou trois sont assemblés, à mon nom, je suis au milieu d'eux. Regardez ce qu'il avait déjà fait autrefois. Ici, dans les sermons, l'âge de l'église de la Odyssée. L'âge de l'église de la Odyssée, prêché le 11 décembre 1960. Là, nous revenons, après avoir posé cette petite toile de fond, nous revenons à la promesse de Malachie 4, verset 6. C'est pour examiner le deuxième volet, la deuxième mission, ramener le cœur des enfants à leur père. Ramenant le cœur singulier des enfants à celui de leur père. C'est notre pensée ce matin, méditation. Alors, l'âge de l'église de la Odyssée, paragraphe 82. Écoutez, frère Branham. À ce vieux prêtre orthodoxe, donc d'abord, il va essayer de parler du temps de Jean-Baptiste et puis de l'âge de à ce vieux prêtre orthodoxe, il est là, oh c'est là. Eh bien, de ces pierres-ci, Dieu est capable de susciter des enfants à Abraham. Ne pensez pas que vous pouvez. Oui. Eh bien, il va prendre le cœur de ce vieux prêtre orthodoxe en Russie et le ramener à la foi que les enfants avaient autrefois. L'Élie de Malachie 4. Il va prendre le cœur de son vieux prêtre. Endurci. Et le ramener à la foi que les enfants avaient autrefois. Les enfants d'Israël sortis d'Égypte. Et que Dieu a élevé au rang de père plus tard. Ceux qui étaient sortis d'Égypte. Ils étaient appelés enfants d'Israël. Les enfants d'Abraham. Mais au cours des années plus tard, Dieu les a considérés comme le père d'Israël. Le père croyant qui croyait à la parole des promesses. Et comme on l'a vu le jeudi, Et vous voyez aux promesses déjà accomplies et celles qui allaient encore s'accomplir. L'ancienne promesse que Dieu accomplissait en les sortant d'Égypte. Et l'ancienne promesse d'un pays où coule le lait et le miel. Les enfants d'Israël ont cru les deux. Et plus tard, ils ont été appelés le père d'Israël. Et Dieu a voulu ramener ce genre de cœur-là. Vous voyez la promesse ancienne en plein accomplissement. Et vous voyez aux nouvelles promesses que Dieu a rappelées. C'est ce genre de cœur que Dieu a voulu rétablir au sein de Jean-Baptiste. Alors, ils ont cru en un Messie qui venait de toute imminence. Jean-Baptiste prêche, montrant que par lui, une vieille promesse d'Esaïe 40 verset 3 était en train de s'accomplir. Et montrant au peuple qu'après lui venait quelqu'un. Donc Jean te montrait qu'une vieille promesse s'accomplit. Mais il annonce en même temps une nouvelle promesse. Pour montrer la suite de l'œuvre de Dieu après lui. Et c'est ce que Moïse avait fait. Il a montré à Israël l'accomplissement d'une vieille promesse. Où Dieu avait dit à Abraham, il n'y a plus de 400 auparavant. Là, dans Genèse chapitre 15, il avait dit, tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas eux, mais qui sera servi pendant 400 ans. Mais à la fin de cela, je le visiterai. Et je le livrerai. En main puissante. Et à bras étendus. Une vieille promesse. Et qui datait de 4 siècles. Et ça marqué par Dieu. De toute consolation sans personne. Pour accomplir d'abord la promesse. Et annoncer ensuite au peuple quel sera le devenir de son œuvre dans la suite où Moïse les a menés. C'était les enfants d'Israël. Et les années se sont écoulées. Leurs enfants, leurs descendants, le tenait en bon droit comme étant leur père. Mais parmi ces pères-là, il y en avait qui ont gardé la ligne, la voix de Dieu. Et il y avait des pères qui se sont égarés, qui se sont révoltés. Et Dieu n'a pas voulu que les cœurs qui se sont égarés soient ramenés dans le peuple. Mais il les a condamné en face. Par la bouche de Jean-Baptiste, par la bouche de Jésus-Christ. Tous ces pères-là qui se sont corrompus. Ils avaient des cœurs méchants. Ils avaient suivi la voie du péché d'iniquité. Le Seigneur n'est pas allé par quatre chemins. Vendredi, il est arrivé jusqu'à conclure. Et appelez-vous au jugement de la guerre. Mais les enfants qui étaient disposés à apprendre à revenir aux fondamentaux d'autrefois, aux attitudes des croyants du temps de l'Égypte. En tant que ministère commissionné, recevoir le message que Dieu donne et se mettre à obéir. C'est comme ça qu'ils sont tous sortis d'Égypte sans qu'aucun d'eux ne reste en Égypte. Tous ils ont obéi. Mais arrivés au désert, des rebelles sont apparus. Arrivés au pays de Cana, les rebelles se sont manifestés. Ils ont appris à faire. On a dit jusqu'à Akab et tout ce qu'ils ont fait là-bas. Omri et papa Akab. Non, papa Akab. Et Akazia. Na Akazia. tous qui sont devenus Zoram et Kosovo, c'était la mauvaise espèce. Vous voyez, frère, mais Dieu voulait ramener le cœur de père. Les pères intègres, les cœurs honnêtes, les cœurs fidèles, c'est ce cœur-là qu'il voulait ramener parmi les saints. Autant de jambes. L'a-t-il fait? Je vous pose la question. Les cœurs des pères ont-ils été ramenés aux enfants? Y a-t-il eu des résultats à l'impact? Jésus-Christ qui venait ensuite, a-t-il été reçu? Dans un peuple bien disposé, la parole de Dieu était faillie. Dieu l'a fait. Moi, Jésus-Christ est venu, et la suite, c'était la promesse du Saint-Esprit. C'est la manière de Dieu. Nous vous ferons participants des vieilles promesses qui s'accomplissent. Il vous annonce encore de nouvelles choses qu'il va faire. Il pour assurer lui-même la continuité de son œuvre. Aller avec vous jusqu'au bout. Ce Dieu fidèle, moi je l'aime pas. Vous aussi, voulez-vous l'aimer pas? Et beaucoup vraiment? Oh, que Dieu soit béni. Oh là là, c'est vrai. Il dit ceci dans Ésaïe 48 ici. Ésaïe 48. Verset 5 et 6. Je t'ai annoncé dès longtemps ces choses. Et je te laissais déclarer avant qu'elles arrivent. C'est une vieille promesse que Dieu rappelle. Et il rappelle ça à son peuple pendant que les choses sont en train de s'accomplir. Je te laisse déclarer avant qu'elles arrivent. Afin que tu ne dises pas, c'est mon idole qui les a faites. C'est mon image taillée ou mon image en métal fondu qui les a ordonnées. Quand vous voyez des événements s'accomplir et des choses se réaliser, regardez la parole prophétique. C'était déjà prévu. Verset 6. Considère tout cela. Et vous, ne l'avouerez-vous pas? Il dit, maintenant, c'est-à-dire au temps présent, après avoir démontré que les anciennes choses annoncées viennent de s'accomplir, et tu n'as pas le droit de dire que c'est mon idole qui a fait ça, et que c'est ceci, sache que c'était déjà dans ma parole. Je t'ai rendu participant de l'accomplissement de cela. Mais actuellement, maintenant, je t'annonce des choses nouvelles. Caché, inconnu de toi. Parce pour la suite de l'œuvre, les premières prédictions se sont accomplies. Et la les nouvelles prédictions s'accompliront encore. Voulez-vous voir? C'est le modèle établi par Dieu. Sa manière de faire. Il dit, maintenant je t'annonce des choses nouvelles. Sachez inconnu de toi. Mais ce fait, elles se produisent à présent. Et n'appartiennent pas au passé. Jusqu'à leur avènement, ils n'en avaient aucune connaissance. Afin que tu ne dises pas, voici, je le savais. C'est la manière de Dieu de faire avec son nom. Je ne viens pas là seulement prospérité, Dieu a un programme de salut. Et Dieu n'a pas commencé aujourd'hui. Il a commencé il y a longtemps. Entrons dans sa continuité. Basantwa kala kala batambola kinaye tambola nako yesu Bande kwa kala kala batambo la kinaye tambo anako Yesu yope oko tambola tambola naye tambola naye tambola anako Yesu oh tambola naye tambola naye tambola anako Yesu. Marche avec Dieu en ton temps à toi aussi. Tambola romona ntambe na sabola. Les choses qui viennent n'ont pas commencé maintenant. Les choses qui viennent n'ont pas commencé maintenant. Elles ont commencé il y a longtemps. Les choses qui viennent n'ont pas commencé maintenant. Dieu est en train de réaliser des choses les unes après les autres. Toi aussi connecte ça en ton temps. Ce qui te concerne est faire ta part. Faire de ta part au dessein de Dieu. Oh, béni soit le Seigneur Dieu. Et il dit, ici au verset 15, et 16, Moi, j'ai parlé et j'ai appelé. Je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Quand c'est l'homme qui est dans son programme, dans son dessein, Dieu l'appellera et il le fera réussir. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je ne peux pas parler en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Il dit au verset 17, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Ne néglige pas l'instruction que Dieu te donne. L'instruction que Dieu ordonne. Oh, le pasteur revient sur ça. Il dit toujours les Malachi 4 là. Mais c'est pour ton bien. Pour ton bien. Et je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Voulez-vous suivre vraiment cette voie? Et le modèle est celui-là. Dieu annonce toujours des choses. Autant marqué, il est accompli. Et pendant qu'il s'accomplit, Dieu annonce de nouvelles choses. En même temps, dans la suite après. C'est son modèle. Pouvons-nous les mettre pour ça? Alors quand il parle de Malachi 4, la 5 et 6, il est un modèle bien établi. C'est sa manière de faire tout le temps. Okay. Voyez, il va prendre le cœur de ce vieux père orthodoxe. Je reviens à la citation. Endurci. Il est ramené à la foi que les enfants avaient autrefois. Vous voyez, donc tous ceux-ci qui ont été baptisés et qui attendent la venue du Messie. Il dit race de vipères. C'est pour casser le cœur de Pierre, le cœur endurci. Il dit, de ce Pierre, Dieu peut citer le papa Abraham. Les gens incrédules, pleins de rapines. Pour susciter les enfants Abraham. Ramenant le cœur de Père à leurs enfants. Race du Père, qui vous a pris à fuir la colère à venir? Voilà. Maintenant, vous voyez, en faisant ce que vous faites là, il ramène le cœur de père aux enfants. Il ramène le cœur de père aux enfants. On confirme ce que nous disons ensemble ici. Dieu a déjà ramené le cœur de père aux enfants par Jean-Baptiste. Alors, Malachi 4, Malachi 6, la première partie, c'est de l'histoire antique. À l'époque de l'Antiquité. Ok. Paragraphe 81-82. Je ne comprends pas tout. Les enfants à la foi de paix. Car il les reprendra pour n'avoir pas gardé cette foi du commencement. Amen. Amen. Il reprendra les gens du temps de la fin pour n'avoir pas gardé la foi du commencement. Maintenant, je crois que nous comprenons assez bien ce que sera cette élite. N'est-ce pas? Maintenant, je crois que nous comprenons assez bien ce que sera cette élite. L'élite du temps de la fin. Nous savons que Élie Jean-Baptiste a déjà ramené le cœur de père à leurs enfants. Mais l'élite du temps de la fin, si elle en attend la souka, devait ramener le cœur des enfants à leur père. Et c'est la raison de ça, mon thème. Le cœur singulier. Le cœur singulier. Êtes-vous là? Vous allez voir. Le cœur singulier. Miséricorde. Il dit. Alors, oui. Maintenant, nous le savons. Ça puis. L'élite des derniers jours. Elia, le temps de la fin devait ramener le cœur des enfants à leur père. Nous le savons. Est-ce que vous le savez? Chacun le sait? Je répète, hein? Je veux m'assurer que nous parlons le même langage avec mon auditoire. Est-ce que nous le savons? Que le devoir de ramener le cœur des enfants à leur père concerne le temps de la fin. Et non pas l'époque de Jean-Baptiste. Non pas l'époque où Jésus-Christ était sur la terre. Non pas l'époque où les apôtres travaillaient pour commencer l'église de Dieu. Est-ce que nous les savons comme ça? Que ça concerne l'essence actuelle. Que le cœur des enfants soit ramené à leur père. Quel père? Apostolique. En d'autres termes aussi, quel père? De la Pentecôte. Nous devons bien connaître ça. Être capable d'en parler à nos semblables. Nous voyons donc que ce redoutable jour de l'Éternel n'est pas encore venu. N'est-ce pas vrai? Le jour où les méchants, tous les hautains et tous les méchants seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Est-ce que c'est déjà arrivé? Ce jour-là annoncé par Malachi n'est pas encore arrivé. Je me suis souvent demandé, cet homme sera-t-il donc juste un prédicateur? Il y a du temps de la fin. Frère Branham aussi s'est posé la question. Au sujet de cet Élie-là qui devait venir. Est-ce qu'il serait juste un prédicateur? Peut-être que vous pouvez vous poser la même question. Au sujet de cet Élie-là dont Malachi 4 parle. Sera-t-il juste un prédicateur comme Noé était un prédicateur de justice? C'est la question. Mutuna est un ami. La question. Mutuna. Il dit ceci. Alors dis-moi. Élie a accompli toutes sortes de miracles. Élie a assaki, mais il n'a pas prêché. Quand ça t'a quitté. Élie l'était subit. Élie a été subit. Le saviez-vous? Oui, oui. Saviez-vous qu'il a accompli toute espèce de miracles, mais il n'a pas prêché? Oui. Il n'a pas prêché. Il venait seulement parce qu'il a suivi le Seigneur. Mais il n'a jamais réuni les gens comme ça pour commencer à prêcher. Moïse avait dit, vous savez, le prophète Jérémie. Non. Il a fait toutes sortes de miracles, mais il n'a pas prêché. Il va maintenant le poser de cela. Et le pourquoi de la question de Frère Branham. Mais quand son esprit fut sur Jean, il a seulement prêché et il n'a fait aucun miracle. Mais, ça c'est dans l'histoire. Élie le Tisbis lui-même, son esprit d'Élie était en lui. L'Esprit de Dieu agissant en Élie, il a fait toutes sortes de miracles, mais il n'a pas prêché. Quand son esprit est venu dans Jean-Baptiste, il n'a fait aucun miracle. Mais l'ange a dit qu'il marchera devant Dieu dans l'esprit et la puissance d'Élie. Mais Jean-Baptiste n'a fait que prêcher, prêcher, prêcher. Répandez-vous, mais aucun miracle. Maintenant, cette Élie-là du temps de la fin, sera-t-il juste un prédicateur? Parce que Noé dont nous avons parlé, la Bible le mentionne comme un prédicateur de justice. C'était quelqu'un qui prêchait ce qui était juste. Un homme comme Noé devait venir au temps de la fin pour la consolation du peuple de Dieu. Êtes-vous là? Vous allez là? Êtes-vous là? Vous allez? Un homme comme Noé devait nous être envoyé. Pour la consolation du peuple de Dieu. Et que le peuple de Dieu reçoive un même cœur. Comme c'était le cœur au commencement. Un même cœur. Et que ce cœur-là soit rempli de consolation. Maintenant, quand Frère Branham se pose la question de savoir, c'est Élie là à venir, sera-t-il juste un prédicateur? Bon, moi je vais retirer les mots justes. Mais je maintiens les mots prédicateurs. Au lieu de dire juste un prédicateur. Oui, vous pouvez considérer ça, juste un prédicateur quoi? Il est un prédicateur comme les autres. Il est un prédicateur comme les autres. Ah, Branham, c'est vraiment, tu comprends la question? Ah, Branham, je n'arrive pas à les bien comprendre. Ah, c'est le cas de Moutéine. Bangoni, il est un prédicateur. Mais c'est le cas de Moutéine. Oui, c'est le pasteur considéré. Aussi, nous était juste un prédicateur. Et la Bible dit même un prédicateur de justice. Mais il y avait un plan de Dieu particulier de Dieu à travers cet homme. Voir ça, c'est être un aigle. Quand tu n'es pas aigle, tu ne peux pas. Non, il y avait un dessein de Dieu manifesté. Il est destiné à consoler les enfants de Dieu. Par l'action de l'Esprit dans sa vie. Et au temps marqué, nous avons trouvé grâce à bonheur. Pour faire ce qui était prévu dans sa vie. Alors cet homme-là, l'Élie-là qui devait venir, pour accomplir Malachie 4, 6, deuxième partie. Pour accomplir Malachie 4, 6, deuxième partie. Mais l'Élie juste un prédicateur. La question, c'est parce que Élie le Tishbite, il y a la référence des Élie. Il y a Élie. Élie-là, il a fait tout son premier miracle, mais il n'a pas prêché. Quand son esprit revient dans Jean-Baptiste, Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle, il n'a fait que prêcher, prêcher. Maintenant, quand l'Élie là qui vient pour achever la mission de Malachie 4, ça c'est puis elle y a les gars qui a pensé. La dernière partie, c'est le prédicateur. Il y a la bouteille. C'est la question. Autour d'un homme. Écoutez bien, c'est ce que je veux. Avant soit avec Frère Branham. Tout comme un de Frère Branham. Jean-Baptiste, il a seulement prêché et n'a fait aucun miracle. Et pourquoi? Parce que Jésus devait le suivre, lui ferait le miracle. Amen. Zokande pote Yesu sengelete ayena sima ya Yohana Mbatisi na bongo ya Yesu nda kosala misala nguya. Il devait le suivre comme prophète. Et faire plus de miracles que Jean-Baptiste n'en a fait. Je répète. Jésus qui venait comme prophète juste après Saint-Baptiste. Devait accomplir tout ce que les miracles. Là où Jean-Baptiste n'en a fait aucun. Et c'est pour ça que Jean-Baptiste ne devait pas faire des miracles. Les miracles, c'est Jésus qui devait le faire. La continuité de l'œuvre de Dieu. Maintenant, au temps de la fin, c'est celui-là qui devait devait-il être suivi par Jésus en tant que prophète sur la terre de nouveau? Jésus-Christ devait-il venir physiquement sur terre après cette élite-là pour accomplir les miracles? Dans le programme de Dieu, on arrive à ce temps ici, l'élite-là qui devait venir, il devait faire les deux, et la prédication et les miracles. Manifestant le Fils de l'homme. Amen. Manifestant le Fils de l'homme qui était prophète là. Et préparant l'église à recevoir Jésus-Christ revenant comme l'époux. Revenant comme époux et non pas comme prophète. Mais le ministère prophétique, parce que Jésus-là en tant que fils de l'homme, devait être combiné dans les mêmes prophètes d'Élie. Et la prédication. Et le miracle. Et le ministère prophétique du fils de l'homme. Devait se retrouver dans le Noé du temps de la fin. Amen. Amen. C'est bien compris. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Je répète. Maloba, y'a moi dans cette confondue là. Et la prédication. Et le miracle de Jésus. Et le ministère prophétique du fils de l'homme. Le signe messianique. Le discernement des pensées. Devait tout cela se retrouver dans un seul prophète. Et l'Élie de Malachie 4 verset 6 et 2 et l'Élie de Oyo. Et tout cela les qualifie pour ramener le cœur des enfants à leur père. Oh. Amen. Je prie que Dieu t'ouvre cette vérité. Et que le degré de consolation Dieu a prévu pour nous. Je termine la situation si je veux en lire une autre. Jésus devait le suivre, lui ferait le miracle. Yes, c'est vrai, tu as bien eu un baptiste. Dans le soleil de la justice, dit-il, s'élèvera avec la guérison sous sa selle. Oui, tu le vois bien, tu n'as moins un abonné de béné. Quand tu as le pensé, tu as commis que ça m'a fait un abonné. Ainsi, Jean n'avait pas besoin de faire des miracles. Il a simplement annoncé la venue de Christ. Yes, ça pour la qui bobéle, boyé, la Christ. Sommes-nous là? Nous allons voir, non? Oh, mes chers amis. Oh, Beninganangaï. Il est dit ceci. Et le Bible, je vais encore lire dans la même prédication. La prédication de lisons ceci. Maintenant, soyez attentifs. Quelle nature aura cet Élie? Eli oya mikola sugawana. Eli oya tango sugawana. Dernière partie, il y a mission Malachi 4, 5, 6. Oya kosi sa musala penza oya Malachi ya mokapwa mine mulongwa mitano. Quel nafiro ratil? A kosala na ezaleli ya lolekele. Oui. Bolanda. Premièrement. Maniboso. Ce sera un prophète puissant. A kosala na mousa koli yanguya. Fidèle à la parole de Dieu. A kosala sambo na nilo bananzambi. Car Élie et Jean étaient fidèles. C'est vrai. Bon. Suivez maintenant ceci. Voilà, mais ça c'est oui. Le fait qu'il fera les miracles. Et les prodiges. Hein? Ramènera le cœur des enfants à la foi des pères de la Pentecôte. Yangonde kosale tezongi sa motema ya bana e pa ina batata oyo yankitela. Le fait qu'il fera des miracles et des prodiges. Oberete lokola kosale nde misala na nguya na bikamu. Ce prophète là du temps de la fin. Mosakole wana na tangu na. Ce prédicateur là comme Noé du temps de la fin. Mosakole wana lokola no wana tangu na suka. Le fait qu'il fera des prodiges et des miracles. Oye kosale te asala misala na nguya na bikamu. Oberete likamu wana. Ramènera le cœur des enfants. Yangonde kosale se mitema na bana. A leur père. E pa ina batata na bango. De la Pentecôte. À revivre le même temps apostolique. À revivre le même esprit de foi que les croyants du temps de la Pentecôte. À reconnaître que Dieu reproduit l'histoire. Et que l'histoire n'est pas périmée. Les mêmes choses, il peut le faire encore. Le Saint-Esprit, Dieu les donne encore. Vous parlez de mon Saint, vous comprenez la main. Dieu le perd encore. Et puis qui s'amoute en Zambé, il s'arrête. Il est mort, Dieu la donne encore. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un Zambé, c'est le concept. Dieu les donne des coups maladie. Et puis qui s'amoute, n'a pas beaucoup de nous, c'est qu'on tue pour ça les mains. Cette chose, tous ces miracles, ramène le cœur des enfants. Il y a un peu de temps à faire la parole. Y a-t-il eu ce prodige et ce miracle déjà? Au jour d'aujourd'hui, l'église. Dieu a demandé par Esaïe, ne l'avouerez-vous pas? Nzambe atunaki na nzala na musakule bino boko otatona otangi biographie ya William Branham oyoki l'appel de William Branham. Amen. Oyoki la première commission de William Branham. Ne la vouerez-vous pas? Yo boko atie ko tatona na mo ba miracle na ba prodige et salamité isalami n'avons pas cité quelque chose totanga ba susité n'avons pas essayé de porter le plus grand nombre totangite muto ya mingi koleka. Retenez maintenant que cette chose là qui s'est faite là peut-être que tu mettre eux yo porter au monde à bout de ce miracle wa mebele bele isala na police le lenge le lenge yangonde zo zongi sa motema ya bana era ya matata ba se ko. Amen. Amen. Yayo pe zongi? Amen. Peut-être qu'il y a pas quitté. Et l'ingéso n'a siga quoi? Amen. Je vous ai dit d'entrer dans la continuité. N'a l'objet de quoi t'as le corps de continuité. Quoi t'as na yo? Quoi t'as mis quoi t'as? Oui, mais quoi t'as fait dans le cambo à la continuité? Ah! Et ça fait bon mot. Amen. Mais comme nous sommes au tanga, et ça pas embatté. Au tangi brochure, bah témoignage, kili kili. Nous avons au discerné, bah secret, mi téma, au et ça pour le qui s'est angoissé. Mais aujourd'hui, ça me fait ma yabana. Et ça y a ma tata Pentecôte. Amen. Amen. Si qu'a été impacté, on est salé ma kati na yo. Si qu'a été impacté, on est salé ma kati na yo. On est la bénéficiaire et participant. On s'en voulait vous le faire au bout de quoi ça n'est pas mal. On voyait le sang collé sur mon conti. Il y a quand même fait mes chers songa. Si qu'a on a belle mi, on y a ma boye na yo. Hein, na lingye te, na y a ma même molimo. Que Bantoma va yambaki. Amen. Pour la Pentecôte. Exactement, le Saint-Esprit, oh, Pierre à joie, Étienne à joie, Jean à joie, Gaïpé, Yamai Moté, mais Jonga Kuna. Amen. Na lingi bi, bi fwe sekele yamoli moté. Na lingi véritable yamoli moté. Amen. Amen. Oye, qui saka le kola li kouzina moto wana. Oye, mon ami li kola ya poto wana. Hmm. Amen. Yangonde kitaka na sala ya Pentecost. Amen. Na lingi bobele wana. Mosi tute bobele wana. Amen. Mosema na ngai sanga sina wolo wana. Amen. Po sanga yi wolo wana. Amen. C'est le sceau de Dieu vivant. Amen. Ensemble na bopoi. Yangonde mani tobeta ka sete awa. Saint Esprit biyamba yambati. Nous voulons le véritable. Le sceau de Dieu, que Dieu soit capable de confirmer. Quand ensemble en Jésus-Christ, il est confirmé. Il est confirmé. Oui, ils allaient colo. Oui, amen. Ils allaient colo. Après Branham, bon mon agawana, le 24 janvier 1950. Oui, Houston. Na Houston. L'état de Dallas. Na kuna na Dallas. Ils conduisent la moto. Ils conduisent la moto. Ils allaient colo langue de. Ils allaient le colandemo na moto. Fort mais ils conduisent la moto. Ils allaient colandemo. Bon mon agawana, colandemo te. Ils allaient lemo, pensant le lemo, ils allaient pensant le lemo. Oui, quand on a mis colo, ils colo la moto Branham. Langue de feu. Ils allaient le lemo, pensant le lemo. Mais là, quand il apparaît comme ça. C'était la tribu de la plénitude de la divinité. Amen. Témoignage que Dieu existe en plénitude. N'en doutez pas. Ne le sous-estimez pas. Il peut tout faire. Toute plénitude est en lui. Il peut tout faire. Suivez. Le fait qu'il fera des miracles et des prodiges. Ramènera le cœur des enfants à la foi des pères de la Pentecôte. Et comme Élie, il haïra les dénominations. C'est vrai, il les haïra. Je crois que la chose vient de commencer. Comme s'il s'agissait d'une autre personne. Maintenant, après, il vous dit ceci. Je crois que cette chose vient de commencer. Cette chose-là, qui est annoncée au futur ici. Quelle sera sa nature? Le fait qu'il fera des prodiges et des miracles. Je crois que la chose vient de et il est grand temps qu'elle vienne cette chose. De ramener le cœur des enfants à leur père. Cette chose-là venait de commencer. Il dit ça le 11 décembre 1960. Ensuite il dit, Élie les a haïs. Élie lui aussi haïssait les terminations. Alors la nature de l'Élie des derniers jours. L'Élie comparable à Noé disant dans la il haïra les terminations. Mais il fera des prodiges et des miracles. C'est la chose qui ramènera le cœur des enfants à leur père. Êtes-vous là? Quand nous lisons ici, dans j'avais entendu, maintenant j'ai vu. Ce qui te tangi ça saipi na litera masakoli na yokaki kasi ça saipi na moni. J'avais entendu, maintenant j'ai vu. Ça saipi na moni. Prêché le 27 novembre 1965. Et t'as maquiné na mukolo ya tukumi balena sambo sansa ya zumi na moko mubu ya koto moko kamali botu moto banamita. Paragraphe 201. Nzalea kotanga kamim balena moko. Maintenant, ça, ça il nous a été promis un âge de l'église. Tout au long de ceci, des réformateurs, et nous les avons eus. Mais il a promis dans Malachi 4 que dans les premiers jours, il resterait fidèle au modèle qu'il a établi. Hein? Il y a un groupe de gens qui ont dit non, la manière de faire le modèle de l'œuvre de Dieu au temps de la fin diffère de ce que Dieu a fait dans tous les âges précédents. C'est faux. Le même modèle doit revenir au temps de la fin. Et c'est ça la vérité. Notre âge, même modèle. Vous croyez ça comme ça? Alors, mais ceux qui font la promotion de notre bien-aimé frère Franck sont allés à l'extrême avec leur falsification de citations du prophète et tout. Nous croyons au ministère de frère Franck, mais nous n'aimons pas falsifier la parole. Nous ne voudrons pas ça. Hein? Oui. Quelle que soit la façon dont nous pouvons aimer les uns et les autres hommes de Dieu, nous les laissons chacun à sa vraie place. Nous n'allons pas les dogmatiser ou en faire une doctrine. Nous présentons la vérité et nous avançons. Amen. Il a promis dans Malachi 4. Dans les derniers jours, il restera fidèle au modèle qu'il a établi. Et ce qui allait se produire pour ramener le cœur des enfants à la foi des pères apostoliques. Dans ce but même, et l'église est tellement divisée dans des dénominations et des ismes, elle est tellement déchirée qu'elle est morte. Et elle a servi de porteur. Et puis il a promis qu'à l'heure du message de cet évangile, les sept sceaux seraient révélés. Et le mystère de Dieu serait annoncé. Apocalypse 10. Quand le septième ange commencerait à proclamer ce message, non pas le service de guérison, mais le message qui accompagne le service de guérison. Alors les sept sceaux seraient révélés, le mystère de Dieu serait annoncé. En sommes-nous là? Dieu est-il fidèle? A-t-il reproduit le même modèle? Il est bon notre Dieu. On va terminer par un dernier verset pour aujourd'hui. C'est le verset que nous avons lu au début ici. Acte des Apôtres chapitre 4. Le verset 32. Acte des Apôtres, chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Et belé na bandimi bazalaki, na moté mamo kompe, na dikanisi moko. Bien aimés frères et sœurs, c'est à ce cœur que nous devons revenir. Parce qu'il s'agit de pères de la Pentecôte. Il s'agit de pères apostoliques auxquels Dieu a prévu de nous ramener. L'Église d'aujourd'hui doit finir avec le climat de division. C'est que l'ennemi de la vérité a fait. De toutes les églises qui ont existé dans l'histoire, l'église qui croit le message biblique du temps de la fin paraît aux yeux des hommes comme étant la plus divisée. En plusieurs courants, cartels, croyances, les plus folles ont été diffusées. Et pourtant, c'est le message qui doit nous ramener au cœur des pères de la Pentecôte. Dans l'unité, et même l'unité de la foi qui est prévu dans Ephésiens 4. Verset 12. L'unité de la foi et de la connaissance de Dieu. C'est son message qui doit le faire. Mais regardez l'acharnement du diable. Il a construit un épouvantail. Pour donner des illusions aux gens, il n'en fait rien. Il a troublé les esprits des hommes qui n'étaient pas appelés au ministère de la parole. Ils sont faits eux-mêmes prédicateurs. Et ils sont allés manipuler l'évangile qui n'est pas. Et de là sonné plusieurs doctrines les plus stupides. Malgré cet acharnement du diable, le cœur des enfants est en train de revenir à leur père de la Pentecôte. Malgré cet épouvantail qui tend à neutraliser les effets du message, Dieu a prévu de placer correctement dans l'église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes et des pasteurs. Et Dieu fera lui-même le placement. Eux-là, un même cœur. Et ils s'amèneront à l'église le même cœur. À travers le même message déjà enregistré. Et l'œuvre de Satan échouera complètement. Je suis plus que persuadé. Toute l'agitation des démons est vouée à l'échec total. Dieu aura une église sainte et glorieuse. Et prête pour l'enlèvement. Ne vous laissez distraire par rien. Ne regardez pas à ces épouvantails. Il y a encore une division là-bas. Tenez-vous tranquille. Dieu fait son œuvre. Dieu est dans son église. Elle conduit les élites merveilleuses. Pour atteindre le but final de Dieu. Ce sera l'unité de la foi. L'unité du cœur du peuple de Dieu. Nous ne serons qu'une même âme. Dieu l'a déjà fait et Dieu le reproduit. Malgré notre grand nombre, éparpillés dans le monde, la multitude de ceux qui avaient cru, au temps de la Pentecôte, n'était qu'un seul cœur, une seule âme. Et c'est ce cœur-là qui doit être ramené au temps de la fin. Nous retournons à ça. Dis amen. Dieu est en train de le faire. Car Malachi 4, 5, 6 est en plein succès. Il y a eu des prodiges et des miracles. Ce cœur-là des enfants va-t-il rentrer? Malgré l'agitation des démons, Dieu réussira-t-il? Zamba Kolonga. La parole de Dieu est-elle faillible? La parole de Dieu peut-elle faillir? Alors, je vous tiens à témoin. Comme Dieu l'a dit par Esaïe, mais l'avouerez-vous pas? L'œuvre de Dieu est à sa bonne place. Comme Moïse, il y a des ramassis parce qu'il y a des troisième exode. Mais attention, à l'époque de l'église primitive, il est écrit, aucun des autres n'osait se joindre à eux. Maintenant, quand le message a été lancé, ça a ramassé toute catégorie de gens. Et nous sommes terriblement infiltrés. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Le triage est en cours. Avant la bataille finale, l'église sera encore purifiée. Tous ceux qui n'ont pas de profondeur, ont rencontré à nous fixer. Vous les verrez partir. Mais la semence blé sera dépouillée de tout ivraie. L'église épouse du Seigneur sera débarrassée de toute balle. Et seule l'épouse, l'église épouse, formera une minorité de vainqueurs qui seront enlevés. L'œuvre du Seigneur est en cours, mes amis. N'importe quoi, ta nature se dévoilera. Les pressions du Seigneur viennent. Les anges du Seigneur seront en fonction. Autour du royaume de Dieu, tous ceux qui causent des scandales. C'est écrit dans Matthieu 13. Tous ceux qui causent des scandales. Maintenant, nous appelons encore tout le monde. Et parmi ceux que nous appelons, il y a des infiltrés. Mais ils n'ont ni cœur ni volonté pour le royaume de Dieu. Ils ont des matérialistes éternels. Pour se marier à des soeurs du message. Des frères du message. Toutes ces choses auront leur fin. L'église sera débarrassée. Et là, je passe le mot. Débarrassée. Qui cause des scandales. Alors, pendant ce temps de préparation, montrez-vous sérieux. Montrez qui êtes-vous. Identifiez-vous à la vérité. Que la parole soit manifestée en vous. Êtes-vous là? Alors que nous disons pareille chose, ça vaut la peine de lire quelque chose par Dieu identifié par ses caractéristiques. Dieu identifié par ses caractéristiques. Péché le 20 mars 1964. Je prends juste un extrait. Paragraphe 73. Sommes-nous identifiés à la parole de Dieu comme une promesse? Alors que nous terminons. Sommes-nous identifiés à la parole de Dieu comme une promesse? Et notre caractéristique nous identifie-t-elle comme étant des gens qui croient réellement la parole. Ils allaient les nabissons, notre caractère. Ils allaient les nabissons. Les traits de notre caractère, de notre comportement. Mon frère, ma soeur, l'église de Dieu. Est-ce que ça nous identifie comme des gens qui croient réellement la parole? Où vous faites semblant de croire? Ou bien, sont en train de tourner autour du pont? Sauter ici et là? Et de deviner? Et de tourner autour du pont. Alors là, nous ne sommes pas des chrétiens. Nous ne sommes que des soi-disant croyants. Mais lorsque nous nous en tenons réellement à cette promesse, et que nous nous alignons parfaitement sur ce point, alignement parfait sur la promesse, surveiller, expérimenter tout ce que Dieu dit. Mais nous nous allions parfaitement à cela. Et que nous nous entendons à cela. Alors, c'est ce qu'avait fait Abraham. Voulez-vous vous identifier comme fils Abraham? Nous en tenons à la promesse de Dieu. Chaque promesse, et la canne et la c'est pas Malachie 4, 5 et 6 là. On va dans la Malachie, mon capot, on va Apocalypse 10, verset 7. Je vais faire ce que Dieu nous demande. Que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer en semaine avec Dieu ramenant le cœur des enfants à leur père. Que Dieu t'aide à voir clairement cette vérité. À ne sombrer dans aucune complaisance. Et satisfaire toi-même. Comme vous pouvez déjà bien faire, remettons-nous en cause. Il y a du travail qui doit produire des résultats. Et dans notre vie, nous devons démontrer ce que nous sommes. Amen, amen. Levons-nous pour la prière. Par notre bien-aimé frère qui a suivi la prédication en ligne. Maloba moko na ndeko na biso alanda ki litea na singa. Parange est un néologisme pour dire le deuil de parents. Le deuil de parents. Alabi niloba koloba parange zalinde koloba ona otali matanga. Donc c'est un gros mot. Ezali le côté oloba qui veut dire le deuil des parents. Oui, niloba te matanga. OK. Vermisseau. Vermisseau est un terme utilisé pour les parents qui perdent leurs enfants. Vermisseau. Parange et vermisseau. Vermisseau, le terme utilisé pour les parents qui perdent leurs enfants. Et parange, c'est le néologisme, le nouveau mot, pour parler du deuil des parents. Ok. Merci, ce frère Clément qui a écrit ça. Il a suivi le culte en ligne. Nous allons prier maintenant. Tous ensemble après un court chant. Est aussi blanc que la neige. J'espère que c'est le cas de ton cœur. En toute sincérité, sans complaisance, à quel point nos cœurs sont-ils proches des preuves de la Pentecôte? Sommes-nous identifiés à la parole de Dieu en tant que promesse? Parce que Dieu, il est le Dieu des promesses. Et tu debout sur ses promesses. Ferme dans la foi. Gagnant des victoires. Où tu es sur le banc des accusés. Vivant sous la condamnation. Le cœur couvert de honte et de confusion. Relève-toi de là. Dieu est ton secours. Dieu de toute consolation. Veux que tu aies un cœur rempli de ton cœur soit pareil à celui du peuple de Dieu. Vous avez un cœur commun accord. Un seul cœur. Une seule âme. C'est ce cœur que Dieu veut restaurer. Dans son peuple. Dans par la mission d'Élie. Il veut ramener ça dans l'église. Prions chacun. Oye bi boka yango boka ya likolo etondi se na pole kona mo lilite tozali ne mapaya na moki le ya passé, kase ta zali na bose boka ya mikolo, to zali me papa ya na moki le ya passé. Passe tous à l'inavance, mon caillard Oyebi, mon caillard n'aille pas moi, qu'on a eu, c'est le midi, Mokaya, puissant. Voyez-vous, c'est au balis, dans un pays à bon combat, mes combats, mes sauts sous combats, Yana, papa nade, bukare, roti nanzame, ekoro na bison, osalem, bukakinya, bukota, basengele na yo, ekeja. Et pour nous, comme on a mon compte, comme Kozala, kasina yu, umuna na yukuzi, wana ye mbapi na luba, na sengeli na yu. Son merveilleux Jésus. Dieu est toute consolation. Zambe na kobongi samanyoso. Il te sonde et te connaît. Il sait ce qu'il te faut chaque fois. Elohim, c'est lui. Elohim, tout suffisant vrai. Rien ne manque à ce qu'il est créé. Oh. Que ton nom Jésus soit adoré. Toi qui nous donne la rédemption par ton sang. Le pardon des péchés. Qui console et console ton bonheur. Tu es encouragé en ce temps de la fin. Confirme la promesse. Pardonne Seigneur notre incrédulité. La négligence de nos cœurs. Parce qu'il y a des affaires si importantes de ton roi. Dont nous devons nous occuper. Oui, c'est que le téléphone nous perdons du temps. Il y a des affaires trop importantes du voyou. Ils doivent nous occuper tout le temps. Oui, c'est vrai que... Pardonne, Seigneur, notre négligence. Voilà, l'imbi, c'est un gars qui de nous, Jésus. Sors-nous des bassesses. Amène-nous sur un plateau. Pour les hauteurs ou pour les airs. Occupé aux affaires du Père Céleste. Pardonne les péchés de chacun. Et les qu'il familiarise. Lave-nous dans le sang de Jésus. Pour une rédemption permanente. Le pardon des péchés en permanence. La bonne nouvelle a été prêchée, nous qui avons cru. Ramène Seigneur nos cœurs. C'est toi qui ramène le Père. Oh Jésus. Oh Jésus. Père de miséricorde, Dieu de toute consolation, sois le secours pour chacun. Pour cette église, c'est ton église, partout, Seigneur, secours ton église. Refoule l'ennemi qui s'est jeté. Que son message atteigne son but. Atteigne son impact. Que nos désirs soient réunis. que nous soyons tous testés d'accord. Comme c'était le cas à la Pentecôte. Et que des miracles extraordinaires se reproduisent encore. Restaure-nous complètement. Nous croyons à ton œuvre qui est en train. Nous croyons aux promesses que tu vas bientôt accomplir encore. Nous croyons à celui que tu as déjà accompli. Fasse de merveilles. Amen. Fasse de merveilles. Pas parler encore, mais c'est pour nous rassurer. Amen. C'est l'œuvre que tu as commencé. C'est le même qui l'achèvera. Pour exaucer. La bonne que notre foi croise. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et par son sang rédempteur. Nous prions pour une délivrance totale. De l'église de chaque frère de chaque soeur. Et cela c'est pour ta gloire. L'œuvre de Golgotha. Qui n'a pas été faite. Reste avec l'église. Jusqu'à nous revoir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Et là, que Dieu vous bénisse richement.